إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال المولى تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولا يحيطون به علما. Le tout miséricordieux s'est établi sur le arche. جاء رجل إلى مالك وهو في مجلس فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك كما جاء في رواية أخرى وسكت مليا، ثم علته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه وقال: أين السائل؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضال. وفي لفظ آخر: وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به ثم أخرج من مجلسه. Un homme a demandé à Malik, rahimahullah, comment Allah a fait pour al-Istiwa sur le Arsh. L'imam Malik a incliné sa tête et il est resté silencieux jusqu'à que la sueur de la fièvre a couvert son front. Puis il a levé les yeux, il a dit: elle est où la personne qui a posé la question? Ensuite Malik, rahimahullah, et c'est devenu une règle, il a dit: al-Istiwa. الاستواء établissement معلوم، يعني معناه معلوم، وفي رواية أخرى غير مجهول. Sa modalité est inconcevable pour l'esprit. Mais y croire est une obligation. Et faire des recherches à son sujet, s'imaginer الاستواء est une innovation. Tu es qu'un innovateur. وما أراك إلا ضالا. Et il a donné l'ordre de faire sortir ce dal, ce mubtadi', de son majlis, de son assise. إذن من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأشاعرة فرقة مبتدعة ضالة ومضلة. Et le madhhab des أشاعرة dans les attributs et sur les questions de l'iman, la foi ou le qadar, le destin, est un madhhab d'égarement plein de contradictions. Et ils rejoignent la secte des Jabrites. الجبرية. Et ils sont loin de Ahl Sunnah. Et je dirais même qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah. فليسوا منهم. ليسوا من Ahl Sunnah. Le madhhab des Asha'ira est un mélange de doctrines, de mutakallimin, de philosophes, de sophis, de sunnis, de jahmi, de murji'i. C'est un mélange. Ils sont plusieurs niveaux de Asha'ira. دونك الاشاعره في الايمان في مسمى الايمان هم يعني خلط امشاج من عقائد مختلفه الاشاعره dans le concept de la foi sont entre les murji'a qui disent que الشهادتين sont les actes suffis pour la validité de la foi et entre الجهميه qui disent que la foi est المعرفه c'est la connaissance و ابو الحسن الاشعري يعني هو من ذرية أبو موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري de la descendance de أبو موسى الأشعري qui est né en l'année 1270 de l'Égypte et dans sa vie il est passé par trois étapes أبو الحسن الأشعري il est passé par trois étapes المرحلة الأولى c'est عاش فيها مع شيخه أبي علي الجبائي يعني شيخ من المعتزلة يعني la première étape il était معتزلي aux côtés de son شيخ أبي علي الجبائي C'est un cheikh de Mu'tazila. Il reste avec lui pendant 40 ans. La deuxième étape de la vie de Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est son délaissement de l'I'tizal et son suivi de Abdullah ibn Sa'd ibn Kulayb, en affirmant les sept attributs connus, et ils ont nié les autres ou ils ont interprété selon le aql, selon leur raison. Comme le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les mains, ils ont interprété comme ils ont voulu. Donc cette deuxième étape est sur quoi les Ash'arites sont aujourd'hui. Ensuite, il y a la troisième étape par laquelle Abu al-Hassan al-Ash'ari est passé, c'est l'affirmation de tous les attributs d'Allah, Jalla wa Ala, yani ithbat as-sifat لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل. Donc sans montrer le comment, donc il a affirmé, rahimahullah, yani les sifat, sans montrer le comment, sans donner de ressemblance, sans donner de métaphore, sans donner de représentation, sans obstruction, yani sans annulation et sans déformation. Et il est mort, rahimahullah, en l'année 324 de l'Hégire et il a été enterré à Bagdad. يعني من أفكار وعقائد الأشاعرة تقديم العقل على النقل. Donc ils mettent en avant l'intelligence, la raison sur les textes, يعني sur النصوص, يعني السنة والكتاب. Et c'est leur minhaj. Lorsque ils trouvent qu'il y a une contradiction entre les textes et leur raison, c'est-à-dire leur compréhension, يعني leur, c'est-à-dire le rationnel, ils choisissent la logique, ils choisissent la raison. Donc cette contradiction imaginaire, elle n'existe pas, elle n'existe que dans leur tête. Cette contradiction qu'ils trouvent entre les textes, entre nos sources, que ce soit les nos sources de la Sunna et du Coran, donc et la raison. Donc si leur minhaj, ils suivent la raison, c'est leur voie. Ils suivent l'aql. L'aql, indahum, huwa l'asas. Deuxièmement, ils font quoi? Ils rejettent le fait qu'il se passe des choses liées à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa volonté. Et que l'être humain est forcé de faire les choses. Ils affirment que l'homme, que l'être humain n'a aucune volonté sur ses actes et qu'il est contraint. Ils ont nié les attributs de choix, c'est-à-dire les actes que Allah fait soi-même, sifat al-fi'liya, comme al-istiwa, al-nuzul, al-maji, al-kalam, al-rida, al-ghadab. Et ils ont annulé et révoqué le fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Le fait que Allah jalla wa ala descende le dernier tiers de la nuit. La satisfaction d'Allah, ils l'ont annulé. Rida, la colère. Car pour eux, ceci pousse à faire une comparaison avec les créatures. D'ici, on dit que Allah il a des mains, donc on va imaginer que Allah il a des mains d'être humain. Wal'iyadu billah. Walakin indana hadhihi qa'ida, comme a qal Malik. Et donc c'est une règle qu'on applique sur tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit c'est quoi la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que la vue elle existe, elle est connue, elle existe. Le pourquoi on ne connaît pas. Donc et poser des questions sur le sujet est une bid'a, comme il a dit Malik. Taïb. Troisième caractéristique des Asha'irites, affirmer les sept attributs d'Allah et interpréter les autres. C'est-à-dire les attributs qui affirment sont la vie, le hayat, l'omniscience, l'ilm, la capacité, le qudra, la volonté, l'audition, la vue, al-basar, la parole, là ici la parole psychique, yani al-kalam ou nafsi. Quant aux autres attributs, ils les interprètent. Les autres attributs, yani yuthbitun al-asma' wa yu'attilun al-sifat. Wa al-kalam 'indahum ليس هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حقيقة بل عندهم أن الكلام كلام نفسي. Donc la compréhension de la parole chez les Asha'irites n'est pas la même que celle de Ahl Sunna. Ahl Sunna croit que Allah Jalla wa Ala parle réellement, alors que Al-Asha'ira disent que la parole est une parole psychique. Comme ils interprètent l'attribut de la satisfaction ar-rida par la volonté de punir, bi-iradat al-iqab. Ils interprètent l'attribut de la miséricorde, ar-rahma, par la volonté de récompenser. Yani sifatul istiwa, istiwa'ullahi 'ala al-arsh, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'arsh. Ils disent, ils l'interprètent par quoi? Par la saisie. Allah a saisi le arsh. Et il y a d'autres interprétations qu'ils donnent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, ils interprètent les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est sa force. يعني كوم دون لو فيرسي يد الله فوق ايديهم في سوره الفتح يديز كو سي لا فورس ولكن اهل السنه والجماعه اون دي با كو لا مين دالله اي بار دوسو لور مين دون سوره الفتح اون فادير لا مين دالله اي بار دوسو لور مين اون فادير لا مين دالله اي لا فورس نو مي نثبت اون افيرم كو الله سبحانه وتعالى له يدان كلا يداه يمين et الله سبحانه وتعالى a affirmé qu'il avait des mains dans plusieurs versets وقالت اليهود يد الله مغلولة وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وقال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير دونك الله سبحانه وتعالى إلى ديمين Et nous tbit al-yadayn. On affirme qu'il y a des mains et on s'arrête ici sans s'imaginer, sans quoi que ce soit. Et c'est pas normal de restreindre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en 7 attributs, comme ils le font. Et ils interprètent les autres. Ils se contredisent complètement. Pourquoi ils interprètent l'attribut de Rahma, de la miséricorde, et ils ne font pas l'interprétation de l'ouï, al-sam'a, l'imada? Pourquoi? S'ils nous disent que le premier attribut, yani ar-rahma, fait référence au sentiment du cœur, et ce n'est pas digne d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَهَذَا لَا يَعْلِقُ بِاللَّهِ subhanahu wa ta'ala, comme ils disent. Donc, ils disent, car il y a dans cela une ressemblance aux créatures et à l'être humain. Nous disons, c'est la même chose pour l'audition, pour as-sam'a. Cela nous pousse aussi à faire une ressemblance aux créatures. Ici, ils nous disent, on affirme l'oui, yani as-sam'a, d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Nous disons confirmer alors l'attribut de la rahma, de la miséricorde, comme yaliqu billahi jalla wa ala, tout simplement. Pourquoi prendre certains attributs et les autres soit ils les interprètent d'une façon erronée. Quatrièmement, la foi chez eux, l'iman, est simplement la croyance du cœur. Ils ont une divergence. Certains disent que est-ce que la croyance suffit ou est-ce qu'il faut un rajout de shahadatayn. Donc, selon leur madhab, si la personne croit avec son cœur et ne prononce pas le double témoignage, ni shahadatayn, toute sa vie, et ne fait aucun acte d'adoration, ne prie pas, ne jeûne pas, etc., c'est un croyant et il sera sauvé le jour de la résurrection. Parmi leurs ulama, il y a Abu al-Hassan al-Tabari, al-Baqillani, al-Juwayni, al-Ghazali, al-Shahristani, al-Razi, et d'autres savants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Ash'ari, yani les Ash'arites, c'est que Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, il s'est repenti et il a d'ailleurs écrit un dernier livre nommé Al-Ibana an Usuli Ad-Diyana, dans lequel il déclare revenir à la croyance de l'imam Ahmed, c'est-à-dire sur quoi étaient Salaf, radiallahu anhum. Les Ash'arites qu'il y a aujourd'hui, ils n'acceptent pas ce livre et prétendent que ce livre n'est pas réellement de lui, alors qu'il est clairement prouvé que Abu al-Hassan al-Ash'ari s'est repenti de la grande majorité de ses égarements dans sa conception des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est revenu à la position et sur quoi étaient les salafs, les pieux prédécesseurs sur le sujet. Donc c'est-à-dire accepter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont et les affirmer dans leur sens apparent tout en remettant le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada fima yakhus al-ash'ari. On conclut par une fatwa du Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, qu'Allah lui libère, sur les donc où il a parlé sur l'Ash'arite, et on lui a posé la question, ma hukmu al-Ash'ariyya fi hadha al-zaman? Quel est le jugement des Ash'arites à notre époque? Faqala al-Cheikh, faqallahu asrah, il y a deux sortes de Ash'ariyya. Al-Ash'ariyya, al-Quburiyya, al-Wathaniyya, fa'ula mushrikoun. Les Ash'arites, Quburiyyin, païens, il a dit, les adorateurs de tombeaux, Quburiyyin, ce sont des polythéistes. Ensuite, il y a الأشعرية المحضة ليس عندهم شيء من باب الشرك الأكبر فهؤلاء حكمهم حكم الأشاعرة السابقين لهم. Donc ensuite, deuxièmement, il y a les purs ash'arites. Ils n'ont rien dans le chapitre du shirk, du polythéisme. ces derniers, leur jugement est le même que celui des Asha'irites qui les ont précédés. Et les Asha'irites, l'Asha'ira, qui les ont précédés, se divisent en deux catégories. Il dit, فَهَؤُلَا كَلَّبِيَّ وَهُمْ طَائِفَةٌ مُبْتَدِعَةٌ وَلَا تُكَفَّرُونَ. Les premiers Asha'irites, ce sont des Kallabiyya. C'est un groupe de Mubtadi'a et on ne fait pas leur takfir. Deuxièmement, l'Asha'iriyya الثانية, وَهَؤُلَا جُمْهُورُ عُلَمَاء عَلَى عَدَمْ تَكْفِيرِهِمْ لِلتَّأْوِيلِ وَذَهَبَ قَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى كُفْرِهِمْ. منهم ابن حزم وابن جوزي وبعض الحنابلة. Donc le deuxième Asha'irite, yani les deuxièmes Asha'irites, le Jumhur, yani la majorité des savants, ne fait pas leur takfir pour leur mauvaise interprétation. Certains gens de science ont fait leur takfir, parmi eux il y a Ibn Hazm, Ibn Jawzi et certains Hanbalites. والراجح انه يختلف باعتبار الزمان والمكان. La plus juste des paroles, c'est que le jugement des Ash'arites varie selon le temps et le lieu. فإن كان الزمن زمن انتشار السنة وظهورها أو المكان مكان السنة ظاهرة كما في زمن الإمام مالك وأحمد والشافعي ثم تبنى الأشعرية فهذا كافر. Donc il dit si l'époque est une époque de propagation de la sunna et de son apparence, ou l'endroit est un endroit de sunna évidente, comme au temps de l'imam Malik ou Ahmed ou Shafi'i, puis on instaure l'Ash'ariya et que la personne la suit, la personne suit cette voie, cette personne-là est un kafir. Ou en kana zaman zamanu ghalabat al-jahl wa intishar al-bid'a wa khafa as-sunna ka zaman l'imam Ibn Taymiyyah wa zaman l'imam Muhammad Ibn Abd Wahhab. Et si l'époque est une époque où l'ignorance prend le dessus, où la bid'a est propagée et la sunna est cachée, comme l'époque de Ibn Taymiyyah rahimahullah et l'époque de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, on ne fait pas le takfir jusqu'à dissipation, effacement, dévoilement de l'ambiguïté, et si la personne persiste. Moulahada, ici le cheikh il dit remarque, فهناك طائفة هم من أهل السنة في الجملة لكن وافقوا الأشاعرة وليس أحوالهم أحوال الأشاعرة من تقديم العقل على النقل بل أحوالهم تقديم الكتاب والسنة ونبذ تقديم العقل أمثال البيهقي وابن فورك ونحوهما فهؤلاء ما وقعوا فيه يسمى زلات فيرد ما معهم من الباطل وتحفظ مكانتهم ويستفاد من علمهم. Remarque qu'il y a un groupe de sunnites, de al-sunna, qui se sont mis d'accord avec les asha'ira. Mais leur situation n'est pas celle des vrais asha'irites. Dans le fait de mettre en avant la logique et laisser les textes, mais ils mettent en avant le Coran et la sunna et rejettent l'appui sur la raison. À l'exemple de al-Bayhaqi et d'autres. Ces derniers sont tombés dans ce qu'on appelle al-zallat, les erreurs. Donc on rejette leur batil, leur faux, et on préserve leur mérite et en profite de leur science. Wa hada jaa fi jawab su'al jawab jawab su'al tariha ala al-shaykh dimn as'ilat mutadassalafiyin la source est dans minbar at-tawhid wal jihad wa nas'al Allah ta'ala an yuriyana al-haq haqqan wa yarzuqana ittiba'ahu wa an yuriyana al-batil batilan wa yarzuqana ijtinabah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.